Chapitre 20e. Le problème de la grille. Paulin Broquet s'était fait conduire chez lui. Il habitait une maison formant angle, donnant d'un côté sur l'avenue Trudaine, de l'autre sur la rue Rodier. Dans cette maison, depuis de longues années, il occupait un appartement qu'il avait aménagé avec goût et meublé très confortablement. Paulin Broquet était un détective dans le nouveau style. Les policiers, genre M. Lecoq ou Vidocq et autres, qui eurent leur temps de célébrité, ont absolument disparu. Aujourd'hui en France, de même qu'en Angleterre, une race nouvelle de détectives est créée. Ce n'est plus le policier brutal, vulgaire, parfois ancien bandit, n'ayant avec les malfaiteurs qu'il arrêtait que cette différence que c'était lui qui leur passait les menottes. Tout autre est le détective de l'école de Paulin Broquet. Il est aujourd'hui instruit, poli, de bonne compagnie. Le soudard de police d'autrefois n'existe plus, ne peut plus exister, serait en retard, déplacé, dans le courant de la vie moderne, qui a des exigences autrement grandes, multiples et complexes qu'il y a encore 50 ans. En dehors de sa profession, qu'il relève d'ailleurs et dont il a fait un art véritable, le détective moderne est un parfait gentleman. Quant à Paulin Broquet, le plus célèbre de tous, le modèle que les autres prenaient pour guide et cherchaient à imiter, il était homme de goût, artiste et sportsman accompli. Il maniait l'épée en véritable maître. Facilement, il remportait les poules de quinzaine à la salle d'armes de la préfecture, où se font un plaisir de venir tant de forts escrimeurs appartenant au monde de la presse et des arts. Depuis 2 ans, il était détenteur du challenge individuel des armes de combat. Il levait des poids comme un professionnel des haltères, et en boxe, il avait, au cours de ses séjours à Londres, lutté avantageusement avec les plus célèbres pugilistes. Grâce à lui, la lutte japonaise, le fameux jiu-jitsu, fut professée parmi les agents. Il montait à cheval comme un cow-boy, savait conduire toute espèce de machine à vapeur, sur rail et sur eau, et avait remporté des coupes aux courses d'automobiles et de yachts. En plus de cela, c'était un délicat, très au courant du mouvement des lettres, des théâtres, et un amateur passionné de musique, jouant même très agréablement du piano et faisant fort convenablement de la peinture. Il connaissait plusieurs langues et parlait surtout admirablement l'anglais. Il avait fait choix de Gabriel, de Lamorce et de quelques autres agents qu'il formait, parce qu'il répondait à ses goûts et qu'il les voulait aptes à paraître dans tous les mondes, du plus haut au plus bas échelon de la société moderne, sans que rien pût les trahir, ni faute de goût dans l'habillement, dans les manières, dans la conversation, ni manque de tact mondain. « Ce n'est pas seulement dans la canaille qu'on trouve des coquins, disait-il, et l'on est parfois obligé de faire une tournée chez les grands-ducs. » Ici, grand-duc veut dire gens du monde, gens de la noce, de la surface brillante. Un brave garçon, Jules, qui lui était dévoué corps et âme et naturellement comptait parmi ses agents, lui servait de valet de chambre. La mère de Jules faisait la cuisine. Dans ce personnel, Paulin Broquet pouvait avoir confiance comme en ses lieutenants. Sa maison était bien gardée et admirablement tenue, militairement servie. Quand Paulin Broquet, qui en chemin avait revêtu son costume de ville, arriva chez lui, il était midi. Le duel avait lieu à 10 heures, le déjeuner l'attendait. « Il n'est venu personne ?» demanda le détective à son valet de chambre. « Personne, non, chef. On n'a rien fait dire, pas de téléphone, rien. Non, chef. Bon, attendons. Déjeunons. » À table, 2 couverts étaient mis. Broquet et Gabriel prirent place et déjeunèrent de bon appétit. « Rien ne creuse, » dit le détective en riant, « rien ne creuse comme un duel. » Puis ils passèrent dans le fumoir où Jules servit le café. Paulin Broquet offrit la boîte de cigares à son second, en choisit un. Il s'allongea sur un rocking chair, et tout en sirotant son café, dont il était très gourmand, tout en savourant son cigare, il dit à son second, « Pendant que j'étais jardinier et que caché derrière un massif de fleurs je suivais les péripéties de ce duel qui fut admirable, un homme surtout m'intéressait. Cet homme, c'était le directeur du combat. « Le baron Dupont ?» fit Gabriel. « Oui, le baron Dupont, très chic, très en redingote, très en guêtre clair, aussi décoré que décoratif, très directeur d'affaires d'honneur. Où ai-je vu cette tête ? Où ai-je déjà vu les yeux vifs et perçants de cet homme ? C'est ce que je me demande, c'est ce que je cherche depuis tantôt. » Paulin Broquet plissa les sourcils et se mit à regarder s'envoler lentement au plafond les volutes de son cigare. Comme s'il eût voulu, dans la fumée, trouver le nom de ce parfait directeur de combat, de cet élégant gentleman pour affaire d'honneur sensationnelle. Jules vint interrompre cette sorte de rêverie que Gabriel se gardait bien de troubler. Il annonça Simon. « Ah bon, qu'il entre !» Peu après apparaissait Simon, un des principaux agents du détective, un petit homme trapu aux mains puissantes, au cou énorme, à la tête dure et osseuse, dont tout l'être respirait la force. Mais son masque au menton lourd et brutal était éclairé par deux petits yeux pétillants, un nez retroussé exagérément, et une bouche qui avait toujours l'air de rire. Simon avait été clown et lutteur, il levait des poids, boxait dès qu'il avait un moment, et jouait admirablement toutes les comédies que sa nouvelle profession exigeait. Il entra en souriant et portant sur son chef un bon regard de chien dévoué, capable de dévorer n'importe qui sur un simple signe du maître. « Assieds-toi, » lui dit Paulin Broquet. « Prends un cigare et une tasse de café, puis raconte-moi ce que tu sais. » « Bon, chef, » dit l'ancien clown, « c'est simple. Le comte de la Guérinière, que vous m'avez dit de ne pas perdre de l'œil une minute depuis votre départ en auto, n'a pas... »« Oui, tu ne l'as pas perdu de vue. »« Non, chef, pas une minute. »« Bon, raconte. » « Il n'a pas changé son genre de vie. Il a fait quelques courses insignifiantes dans la journée. Il est allé dans l'après-midi chez son armurier près de la Bastille, où il a choisi des épées de combat. Puis il s'est rencontré avec ses témoins, le baron Dupont et le comte du Marnais, au cercle. Vers 8 heures, il est allé faire son tour habituel dans la rue de la Paix. Il est remonté jusqu'à l'avenue de Clichy. « Ah, encore ?» fit Paulin Broquet. « Toujours en suivant cette ouvrière ?»« Riri, oui, chef. » « Est-ce que les frères Montreuil l'ont aperçu ?»« Non, chef. Je n'ai pas vu l'avocat, mais je sais que le médecin était voir sa malade, Madame Ménardier. Le pharmacien m'a dit qu'il lui avait fait une commande de remède pour cette malheureuse femme dont les jours sont comptés. »« Reviens, notre gentilhomme. » Devant le passage Gandron, il a regardé Riri, qui est véritablement superbe, exquise. « c'est bon, ne t'occupe que du comte. C'est lui que tu devais surveiller, et non cette jolie fille. »« Oui, et c'est regrettable, chef. Je préférerais... Enfin... » Le comte alors prit une voiture et se fit conduire au cercle encore une fois. Il y dîna avec ses témoins. Il n'est pas sorti du cercle. Non, chef. Un homme à nous faisait un remplacement et l'a servi à table jusqu'au moment où il s'est rendu au théâtre, au Lutetia. Alors moi, j'étais dans un fauteuil d'orchestre devant sa loge, et je vous prie de croire que pas une minute dans la soirée, il n'a pu faire un mouvement sans que je m'en aperçoive. Bon, après ? Après le spectacle, il est allé souper dans un établissement des environs de la Madeleine. Là aussi, moi qui soupais à côté de lui, je n'ai pu le perdre de vue. Ça te va, ces surveillances où l'on soupe ? Oui, chef. Seulement les heures où l'on digère ces soupers de surveillance sont moins agréables. En effet, j'ai suivi le comte et la belle du Sept Minois jusqu'au petit hôtel de la Divette. Et moi, jusqu'à 4 heures du matin, j'ai surveillé la maison, dans la rue. Ça t'a fait du bien de prendre l'air ? Oui, chef. À 4 heures, le comte de la Guérinière est rentré chez lui. Il s'est couché. Et ses témoins sont venus le réveiller vers 10 heures. Vous savez le reste. » Paulin Broquet reprit. « Donc, tu es sûr, absolument sûr, que c'est bien le comte de la Guérinière que tu as suivi toute la nuit, que tu as pisté jusqu'au moment de son duel ?»« Oui, chef. » »« Tu ne peux te tromper. » »« Non, chef, je vous l'affirme, c'est lui, c'est bien lui. » »« Bon. » »« Cependant, mon brave Simon, pendant que tu applaudissais Lucette Minois, pour qui tu es un faible ?»« Moi, chef ?»« Oui, toi, comme pour Riri la Jolie, d'ailleurs. » « Mais chef, les femmes te joueront de mauvais tours. Passons. Pendant que tu soupais à côté du comte de la Guérinière, car tu es aussi gourmand qu'amoureux. « Mais chef, tais-toi. » Nous, Gabriel, Lamorce, moi, nous courions après le comte de la Guérinière là-bas en Normandie, à Itonville. « Non. » « Si. J'ai même eu le plaisir de coller à ton voisin de souper un swing de ma façon, qu'il a tout bonnement mis knock-out, c'est-à-dire par terre, sans connaissance. » Et je lui arrachais demi son vêtement. Simon regardait son chef avec stupéfaction. Ses petits yeux papillotaient, son nez retroussé frémissait, sa bouche s'entr'ouvrait de l'air le plus comique du monde. Si bien que Paulin Broquet et Gabriel partirent d'un grand éclat de rire, mais le détective fit cesser cet ahurissement de l'ancien clown. « Tu as parfaitement rempli ta mission, mon brave Simon. Tu m'as appris ce que je tenais absolument à savoir. Ainsi, pendant que tu bambochais ici à Paris avec le comte de la Guérinière, moi, là-bas, j'assommais d'un coup de poing ce même comte de la Guérinière. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai remarqué que le comte de la Guérinière, que j'ai endommagé à l'aigle, n'emporte pas les traces à Paris. Il ne nous reste plus maintenant qu'à savoir comment cela peut se faire. » Il y eut alors un silence dans la pièce où se tenaient les trois hommes. Broquet s'était remis à regarder les volutes de fumée de son cigare. Tout à coup, il s'écria « Ça y est !» Les détectives tressautèrent et tournèrent vers leur chef leurs regards anxieux. « J'ai trouvé !» leur dit Paulin Broquet. « J'ai trouvé, je sais qui c'est !»« Qui, le comte ?»« Non. » »« Zigomar ?» demanda Gabriel. « Vous savez enfin qui est ce mystérieux Zigomar ?»« Peut-être. » dit Paulin Broquet. « Peut-être ai-je trouvé qui est ce Zigomar dont on parle tout bas avec admiration, vénération, les bandits de Paris. Mais l'heure de Zigomar viendra plus tard. Maintenant, je parle de cet individu à tournure d'ouvrier sans travail professionnel, à la barbe hirsute, sale, sa figure d'alcoolique, portant des vêtements sordides, d'aspect répugnant. Cet individu qui, quand en voiture j'amenais le comte de la Guérinière chez le banquier Montreuil pour la confrontation, s'est approché de la portière, a insulté le comte, lui a crié « Tu peux y aller, ton affaire est arrangée. » J'ai voulu faire arrêter cet homme, mais il s'est perdu dans la foule. Eh bien, cet horrible arsouille, c'est tout bonnement le si correct gentleman, le si décoratif baron Dupont. Simon s'écria, « Le baron Dupont ? Le premier témoin du comte de la Guérinière ? Il a soupé avec nous. » « Parfaitement. Le directeur d'affaires d'honneur de ce matin, le premier témoin, l'ami du comte de la Guérinière, le baron Dupont et mon sinistre voyou du matin tragique ne font qu'un. » Cette déclaration causa une profonde impression sur les détectives. Paulin Broquet, cependant très calme, se leva. « Passons à autre chose. » Il vint à son bureau et d'un tiroir tira une lettre. « C'est la lettre chiffrée. La voici traduite. « Ah, chef, que dit-elle ? Ceci. Au crayon, sur une large feuille de papier collier, Paulin Broquet écrivit deux lignes, lettre par lettre. Ses hommes le suivaient des yeux, ils épelaient au fur et à mesure. » T-E-N-I-R, tenir, L-O-R-A-N, Laurent, D-I-M-A-N-C-H-E, dimanche, K-L-A-F, claf. Paulin Broquet traduisit alors à haute voix, tenir Laurent, dimanche, claf. Claf, s'écrièrent les détectives. Oui, claf, veut dire clafou, clafou, clafou, il n'y a pas à en douter. Claf est l'abréviation de clafou. Vous avez raison, chef. Clafou, le propriétaire du café et du bar Les Enfants de l'Aveyron, qui se trouve boulevard de la Chapelle. Vous savez que chez Clafou se donnent rendez-vous les plus illustres bandits. Chez Clafou se préparent les affaires, se soldent des coups réussis. Simon déclara. Oui, chef, je voulais aussi vous dire que j'ai appris que chez Clafou se réunissaient quelques hommes de la bande de Zigomar. C'est parfait, mon brave Simon. Paulin Broquet reprit. Quant à ceci, tenir Laurent, en voici la signification. C'est la consigne que Zigomar avait donnée à cet homme dont j'ai soulagé les poches. On l'avait chargé de la mission de surveiller, de tenir à l'œil Laurent. « Le Laurent qui ?» commencèrent les détectives. « Oui, monsieur Laurent, celui qui en dernier se trouvait au moment de l'assassinat dans la banque Montreuil. En dernier ou en même temps que le fameux comte de la Guérinière. Ah, nous commençons à comprendre. » C'est d'ailleurs très clair. Monsieur Laurent se trouvait à la banque Montreuil au moment de l'assassinat du banquier. C'est lui qui avant ou après le comte de la Guérinière, mais certainement un des deux derniers, passa dans le cabinet du financier. Ce monsieur Laurent, dont les traits à son nom, fait très bizarre, ont été jetés au feu et à demi brûlés dans la cheminée du banquier. Ce monsieur Laurent, dont seul le dossier fut trouvé bouleversé, dépouillé, parmi les autres nombreux et absolument intact, dans le coffre-fort du banquier. En effet, ce monsieur Laurent, dont le dossier fut encore pillé dans le coffre-fort de maître Béjanet. Monsieur Laurent, enfin, dont on trouve la trace partout, où l'on découvre un Z tracé avec du sang, ou seulement avec du sable. Paulin Broquet ajouta. Remarquez encore que Monsieur Laurent couchait chez son beau-père, Monsieur Billement, avec qui il est au plus mal, précisément le soir où nous nous donnions, nous, la chasse aux gens qui, nous la prendrons sous peu, ont certainement dévalisé le coffre toujours bien garni du maire d'Itonville. Alors, tenir Laurent voudrait dire, c'est l'ordre donné par Zigomar à l'homme à la petite valise, à l'homme qui jouait les rats d'hôtel et dont j'ai déchiffré les papiers. C'est l'ordre qu'on a donné à cet homme de tenir M. Laurent à l'œil, de ne pas le perdre de vue, de le pister, tout comme notre brave Simon avait mission de tenir bien à l'œil le brillant et joyeux comte de la Guérinière. Voilà ce que cela veut dire. Paulin Broquet jeta la cigarette, ou plutôt le bout de cigarette consumée, qui allait lui brûler les lèvres. Il en roula une autre, l'alluma et reprit. Mais cette lettre, dont je vous ai transcrit deux lignes, nous réservait d'autres surprises. Comme je vous le disais tout à l'heure, ces deux lignes n'étaient pas tout ce que contenait cette feuille de papier. Au verso de ces deux lignes, que nous venons de traduire, il y avait un second document que tout d'abord je n'avais pas remarqué, parce qu'il était écrit avec un crayon dur et très pâle. Ces nouvelles lignes me servirent grandement, comme je vous l'ai dit, à composer une grille qui me permit de déchiffrer le tout facilement. Voici ce que j'ai lu. Je le transcris en traduisant, mais je crains cette fois de n'avoir déchiffré que l'énoncé d'un problème, ou le texte d'une énigme qui sera bien moins facile à deviner que son énoncé même. Voyez, le voici. Paulin Broquet, encore sur la feuille de papier écolier, traça en grosses lettres avec son crayon bleu ces mots. M-E-N-E, B-A-R-O-N-E, C-O-L-I-E, S-E-I-R, B-A-L, M-A-H-O-N. Il ajouta, écrivant encore, « Voici les mots rétablis dans leur orthographe ordinaire. Maine, baronne collier, soir, bal, mahon. Et cela ne nous avance pas beaucoup non plus. » C'est vrai, chef. Cette phrase offre de nombreuses interprétations. En voici quelques-unes qui me semblent se rapprocher le plus de la vérité, et entre lesquelles probablement nous aurons à choisir. Écoutez. Paulin Broquet dit alors, « Menez la baronne voir un collier, ou ayant un collier, ou pour un collier, ou à cause d'un collier, un soir de bal, avenue MacMahon. » Autre version. « Menez avenue MacMahon, la baronne ayant un collier, ou son collier, un soir de bal. » Troisième version. « Menez avenue MacMahon, pour le collier qu'elle mettra ou qu'elle achètera, ou qu'on lui prendra un soir de bal. » Bref, il y a encore quantité d'autres versions, mais en somme, toutes se tiennent dans ceci, une baronne, un collier, un bal, l'avenue MacMahon. Il ajouta, « Connaissant nos individus, sachant à quel monde, à quelle catégorie de citoyens spéciaux appartient l'homme qui possédait ce singulier document, nous pouvons deviner à peu près, sans crainte d'erreur, ce dont il s'agit. Nous le croyons comme vous, chef. Il s'agit d'une baronne, ou d'une femme qu'ils appellent la baronne, qui possède un collier de valeur qu'elle mettra pour aller au bal, et dont on doit la débarrasser. Oui, ce doit être cela, chef. C'est ce que nous voyons aussi dans ce document, dirent les seconds du détective, n'est-ce pas? Mais comment la débarrassera-t-on de ce collier? Ici, je suis perplexe. Est-ce la baronne qu'il faut mener à avenue MacMahon? Est-ce le bal qui a lieu à avenue MacMahon? Est-ce la baronne qui demeure là? Voilà ce que vraiment je ne me sens pas capable de deviner. Car là, tout n'est pas de déchiffrer des mots, encore faut-il avoir la clé de ce qu'il signifie. Paulin Broquet s'écria. Et cependant, il faut que nous éclaircissions ce point mystérieux, que nous arrivions à déjouer cette intrigue. Il faut trouver la clé, découvrir le sens véritable de ce document. Mes amis, il faut à tout prix que nous l'emportions sur Zigomar. Oui, chef, ordonnez, commandez. Eh, mes amis, je réclame votre concours, je ne sais que faire. Oh, alors ça ne va pas être commode. Je m'en doute, mais ce qui est trop facile à résoudre n'est pas intéressant. Il conclut. Mes amis, cherchons, cherchons tous. Prenez bien note de ces mots. Les détectives répétèrent « Menez, baronne, collier, soir, bal, mahon. » C'est cela. Bon, chef, maintenant en route.